et le coquin, détachant le cache-nez crasseux qui lui servait de cravate, l'appliqua sur la bouche de la jeune fille, lui entortilla la tête avec cette loque de laine et la bâillonna en un clin d'œil. Cette fois Camille, à moitié asphyxiée, s'évanouit. « C'est fait, lâche-la, » reprit l'homme, après avoir vidé et retourné toutes les poches. L'autre ouvrit ses mains qui tenaient la courroie et Mademoiselle Monistrol tomba comme une masse sur le macadam de la route. « Viens, elle a son compte. Prends la gonzesse par les épaules, moi je vais la prendre par les pieds. Et enlevons, c'est pesé. Je connais pas, loin d'ici, un endroit où nous ne serons pas dérangés. Je ne dis pas non, mon vieux, mais minute, je demande à compter d'abord. Les bons comptes sont les bons amis. Tu crois donc que je veux te refaire? Je n'en sais rien, mais je n'ai pas Dieu derrière la tête, et je n'ai pas pu te surveiller pendant que tu la barbotais. Maintenant, je demande à voir et à partager. Voilà un frangin, 14 louis de 20 balles, qui se baladait dans la poche de gilet. Une montre en or avec sa chaîne, une montre de femme, 2 écus de 100 sous et 9 francs de monnaie blanche, que j'ai pêchée dans la poche du pantalon. À bout de moi, 150 francs et la toquante. Je te tiens quitte du reste. Eh ben non, par exemple. C'est moi qui serai refait. Rien que sur la montre, on prêterait 100 francs au clou. Par à deux, je la garde, et je vais te coller 200 francs en tout. C'est ce qui te revient. Donne toujours, c'est pas le moment de nous disputer. Nous réglerons demain, définitivement. Le fouilleur mit 10 louis un à un dans la main de son acolyte, qui les empocha en disant « Maintenant, ne flânons pas ici. Aide-moi à charrier le colis. Elle ne doit pas peser lourd, cette piotte-là. Et elle me fait l'effet d'être rudement gentille. Nous ne nous embêterons pas tout à l'heure dans la cahute que le père Alexandre avait bâtie avec des pots cassés et qu'il a quittée pour déménager depuis qu'il a le sac. » Camille, étendue sur la route, commençait à reprendre ses sens. Elle entendait confusément cet édifiant dialogue entre deux scélérats qui disposaient d'elle et elle devinait quel sort il lui réservait. Elle était résolue à ne pas le subir et pour y échapper, elle n'avait qu'un moyen, c'était de les forcer à la tuer. Ses mains étaient libres. Elle s'en servit pour se débarrasser du bâillon qui lui fermait la bouche. Et au moment où les deux misérables se baissaient pour l'enlever, elle appela « À moi, au secours, à l'assassin !» Elle n'espérait pas qu'on viendrait à son aide. Elle espérait que pour la faire taire, ses bourreaux l'achèveraient. Et ils ne manquèrent pas de lui crier tous les deux « Si tu continues à piauler comme ça, on va te faire passer le goût du pain !»« Ferme ta margoulette ou je t'assomme !» En même temps, ils l'empoignaient, comme c'était convenu entre eux. Et ils l'emportaient déjà lorsqu'en passant le fossé qui bordait la route, celui qui la tenait par la tête dit à l'autre « Méfions-nous, il me semble qu'on court là-bas sur le trimard. » « Eh bien, après, c'est un biffin qui va à son ouvrage et qui se dépêche parce qu'il est en retard. Tu sais bien que les roussins en ronde de nuit et ne courent jamais. » Camille entendait aussi ce pas précipité et se demandait si c'était le pas d'un sauveur ou celui d'un ennemi. Camille, heureusement, sut bientôt à quoi s'en tenir. Les deux gredins la lâchèrent encore une fois. Elle tomba sur le dos et, pendant qu'elle cherchait à se relever, un homme qu'elle ne fit qu'entrevoir se rua sur eux et commença à jouer d'une canne qu'il avait à la main. Il en joua si bien que les bandits reculèrent tout d'abord. Celui qui tenait un bâton essaya de se défendre. Un coup vigoureusement appliqué le désarma, et ce coup fut suivi d'une grêle de horions impartialement distribuée. Le fouilleur en reçut un à travers la figure et s'enfuit en hurlant. L'autre, atteint au crâne, n'eut que le temps de suivre son camarade pour éviter d'être assommé. L'inconnu qui arrivait si à propos resta maître du champ de bataille. Il lui avait suffi de quelques secondes pour disperser ses lâches coquins, et il dédaigna de leur donner la chasse. Il savait qu'ils ne reviendraient pas à la charge, et il voyait que leur victime avait grand besoin qu'il la secourût. Il vint à elle, et il lui tendit la main pour l'aider à se remettre sur pied. « Eh bien, mon garçon, lui dit-il, nous n'avons rien de cassé, à ce qu'il me paraît. C'est égal, il était temps que je vinsse à votre secours, et j'ai eu une heureuse idée quand j'ai pris ce chemin pour entrer dans Paris. Mais aussi, que diable cherchez-vous par ici à des heures pareilles? Si vous y êtes venu pour dépenser votre paye dans les cabarets, vous avez fait un mauvais calcul, car ces drôles ont dû vous prendre votre argent, et je m'étonne qu'ils ne vous aient pas assassiné par-dessus le marché. Vous avez eu peur, hein? Remettez-vous et appuyez-vous sur moi. Vous ne tenez pas debout. « Oh, monsieur, murmura Camille, vous m'avez sauvé la vie. » Et elle se dégagea doucement du bras de son défenseur, qui la soutenait pour l'aider à reprendre son aplomb. Le timbre féminin de la voix qui le remerciait l'étonna sans doute, car il recula de 2 pas et il se mit à dévisager cet apprenti qui parlait comme une demoiselle. Il ne tarda guère à remarquer les longues tresses qui pendaient sur la blouse, et il s'empressa de changer de langage. « Excusez-moi, madame, dit-il, je ne pouvais pas deviner que sous ce costume d'ouvrier... » « Il y avait une jeune fille, acheva Mademoiselle Monistrol. Je vous expliquerai pourquoi je me suis déguisé ainsi. Mais avant tout, je vous en supplie, monsieur, aidez-moi à secourir mes amis. Vos amis, vous n'étiez donc pas seul? Non, je suis venu ici avec un brave homme et un enfant. Eh bien, que leur est-il arrivé? On leur a tendu un piège, une trappe ouverte. Ils y sont tombés. Et je doute qu'ils aient survécu à cette chute effroyable. Une trappe dans cette plaine? Demanda l'inconnu en souriant d'un air incrédule. Non, dans une maison en ruine. En ruine, mais habitée sans doute, puisque vous dites que le piège était préparé. Oui, par des scélérats que je cherchais pour les livrer à la justice. Un assassin et sa complice. Le sauveur ne broncha point, mais il crut probablement que Camille était folle. « Comment se fait-il qu'il vous ait épargné ? » dit-il en la regardant avec une attention mêlée de pitié. « Parce que j'ai fui. J'aurais dû mourir avec mes amis. Mais je ne pouvais plus rien pour eux, et j'ai voulu vivre pour les venger. »« Et les brigands vous ont poursuivi jusque sur la route où je viens de vous rencontrer ?»« Non, monsieur, les gens dont vous m'avez délivré sont des voleurs, que je ne connais pas, et qui m'ont attaqué, comme ils auraient attaqué un autre passant. »« Mais ceux de la maison, vous les connaissez ?» L'un des deux a tué mon père. Alors, répondit froidement le monsieur, vous auriez dû vous faire accompagner par des agents de police. J'avais pour agir seul des motifs que je vous expliquerai. Mais au nom du ciel, ne perdons pas de temps. Deux malheureux se sont sacrifiés pour moi, et si je les abandonnais... Pardon, mademoiselle, vous venez de dire vous-même qu'ils ont dû se tuer en tombant dans une cave. Vous vous exposeriez inutilement. Les coupables sans doute n'ont pas quitté la place, et à nous deux, nous ne serions pas les plus forts si nous les attaquions dans la maison. Où vous les avez laissés. Pour ma part, je ne m'y risquerai pas. Et cependant, je crois vous avoir prouvé que je ne suis pas un lâche. Oh, certes, je ne sais comment vous prouver ma reconnaissance. Mais faut-il donc laisser mes défenseurs à la merci de ces misérables? Il faut d'abord vous mettre en sûreté, et vous n'y serez qu'en rentrant dans Paris. Si nous restions ici, nous serions infailliblement attaqués, et cette fois je ne serais peut-être pas aussi heureux que je viens de l'être contre deux rôdeurs de barrière. « Alors je ne veux pas vous exposer à de nouveaux dangers, » dit vivement mademoiselle Monistrol. « Alors permettez-moi de vous escorter jusqu'à votre domicile. Demain, si vous m'y autorisez, j'irai exposer les fêtes au chef de la sûreté. »« Non, il ne ferait rien, » murmura Camille, qui ne croyait plus à l'intelligence ni au bon vouloir des agents de la préfecture, depuis qu'ils avaient relâché Zigzag. « Préférez-vous que j'agisse seul ?» reprit l'obligeant inconnu. « Je suis tout à votre disposition, ce qui serait impraticable cette nuit. » « Je le tenterai en plein jour, et je vous jure de vous renseigner non seulement sur le sort de vos amis, mais encore sur les agissements de vos ennemis. Acceptez mon bras, mademoiselle, et ne nous attardons pas ici. Je vous en conjure. » À ce moment, un aboiement lointain fit tressaillir Camille. « Le chien, l'horrible chien, » murmura-t-elle. « Ils l'ont lancé sur mes traces. Il se jetterait sur vous, partons. » Elle prit le bras que lui offrait son protecteur, qui s'empressa de quitter la place avec elle. Il l'emmena dans la direction qu'elle suivait, lorsqu'il l'avait rencontré, mais un peu plus loin, au lieu de continuer à avancer sur la route de la révolte, il s'engagea dans un chemin latéral qui ne passait pas trop près des maisons du quartier des Épinettes, et qui les conduisit tout droit à la porte de Saint-Ouen. Ce sauveur pensait à tout, car il avait préalablement ramassé le béret de Camille, et elle s'était recoiffée en marchant, de sorte qu'on pouvait encore la prendre pour un garçon, et qu'elle ne devait plus attirer l'attention des gens qu'il rencontrerait. Vigoureux avait cessé d'aboyer. Ou du moins on ne l'entendait plus. Mademoiselle Monistrol reprenait peu à peu son sang-froid et ne parvenait pas à se défendre, d'un remords en pensant à ses amis. Elle commençait aussi à se préoccuper de ce défenseur providentiel que le plus étrange des hasards avait amené tout à coup sur le terrain où elle soutenait une lutte inégale. La nuit était trop sombre pour qu'elle pût voir ses traits, et il lui tardait d'arriver à la barrière, où la clarté du gaz lui permettrait d'examiner l'homme à qui elle devait son salut. Ils avaient marché rapidement sans échanger une parole, et Camille savait gré à son nouveau compagnon de se montrer si réservée. Mais elle ne devinait pas à qui elle avait affaire. Ils approchaient de la porte de Saint-Ouen et les becs de gaz étaient déjà moins rares. En regardant à la dérobée son défenseur, elle put constater qu'il était grand, mince et élégamment tourné. Elle reconnut aussi qu'il était habillé comme un gentleman. Par-dessus d'une bonne coupe, chapeau haut de forme, bottines pointues, gants de chevreau. La canne, dont il s'était si magistralement servi, pour rosser deux drôles vigoureux, était un jonc de moyenne grosseur, monté en argent ciselé. On ne se serait pas douté que ce cavalier, vêtu à la mode de demain, venait de livrer une bataille assez sérieuse. Sa toilette était intacte, pas un des boutons de ses gants n'avait sauté, pendant qu'il s'escrimait comme un bâtonniste de profession. Que pouvait faire à minuit passé dans la plaine Saint-Denis un personnage qui semblait appartenir au meilleur monde? Mademoiselle Monistrol se le demandait et s'étonnait de cette anomalie. Il lui passait par l'esprit que la rencontre avait peut-être été préméditée par ce monsieur, d'une tenue si correcte. Mais dans quel but ? Le sauveur ne pouvait pas savoir qui elle était, et il n'avait assurément aucune acquaintance avec le clown forain ou la danseuse de cordes, qui venait de se débarrasser par un crime du pauvre Georget et du malheureux Courapier. On aurait pu croire que l'inconnu lisait dans la pensée de Camille, car à 100 pas de la barrière, il rompit le silence où il se renfermait discrètement, et ce fut pour dire à sa protégée « Vous devez vous étonner, mademoiselle, de m'avoir rencontré à des heures indues sur la route de la révolte. Je vous prie de croire que je ne fais pas de ce chemin mal famé ma promenade habituelle. Mais j'ai dîné ce soir chez de vieux amis à moi qui ont une villa près de Saint-Ouen. Et au lieu de rentrer à Paris en voiture, il m'a pris fantaisie de traverser à pied ces régions inconnues, qui, dit-on, fournissent très souvent de faits divers les journaux bien renseignés. Je cherchais vaguement une aventure, et je me félicite de celle qui m'est échue. Remarquez, ajouta-t-il gaiement, que je pourrais m'étonner aussi de vous avoir trouvé perdu dans ces solitudes où les jeunes filles ne s'aventurent guère. « Vous savez déjà ce que j'y venais faire, » murmura mademoiselle Monistrol, assez embarrassée. « Oh, je ne vous demande pas d'explication, mais vous me permettrez bien de vous dire qui je suis. Je m'appelle Georges le Ménestro. J'ai 30 ans, quelques fortunes, et il ne reste plus que moi de ma race. J'ai beaucoup voyagé en Orient. Après avoir longtemps habité Paris, où je suis rentré il y a 8 jours, et où je compte me fixer définitivement, je trouve que j'ai assez couru le monde et je veux me reposer. Mais mon histoire, je le crains, ne vous intéresse guère, et j'arrête là le chapitre des renseignements. Maintenant, il faut bien que je vous prie de ne plus vous appuyer sur mon bras. Nous voici à la barrière, et les commis sont curieux par état. Ils pourraient trouver extraordinaire de voir un monsieur en redingote noire remorquant un jeune ouvrier en blouse, et ils s'imagineraient peut-être que nous nous sommes entendus pour frauder l'octroi. S'ils s'avisaient de vous fouiller, ils découvriraient que vous êtes une femme déguisée, et ce serait bien pis. « Je ne m'exposerai pas à cette mésaventure, » dit Camille, en s'éloignant de son protecteur. « Je vais prendre les devants et vous me rejoindrez quand j'aurai franchi la porte. » Ainsi fut fait. Le protecteur avait un peu exagéré les difficultés du passage, qui s'opéra sans accident. Les commis dormaient à moitié et ne se dérangèrent pas pour regarder sous le nez mademoiselle Monistrol. Elle enfila rapidement l'avenue de Saint-Ouen, et à 200 mètres de la barrière, elle s'arrêta sous un candélabre, dont la lumière allait éclairer enfin les traits de ce monsieur Georges de Ménestro, dont elle venait d'apprendre le nom, mais dont elle avait à peine entrevu le visage. Il ne se fit pas attendre, et il s'empressa de reprendre l'entretien interrompu. « Nous voilà dans Paris, mademoiselle, » dit-il, du ton le plus courtois, « et je suis tout à vous. Vous plaît-il que je vous reconduise chez vous, ou bien préférez-vous rentrer sans moi ? Dans ce cas, je vous accompagnerai seulement jusqu'à ce que nous rencontrions une voiture. » « Mais j'y pense, les chenapans qui vous ont assailli vous ont peut-être pris tout l'argent que vous aviez sur vous. »« Mon argent et ma montre, » murmura Camille. « Mais peu importe, je payerai le cocher en arrivant à la maison. » En même temps, elle examinait son défenseur, et elle constatait avec plaisir qu'il avait une figure agréable et une physionomie sympathique. Il était très brun, ses yeux étaient vifs et doux, sa bouche souriait sous une fine moustache noire, et il ne paraissait pas avoir l'âge qu'il venait d'accuser. Mademoiselle Monistrol était femme, et elle aimait mieux avoir été sauvée par un joli garçon, avenant et distingué, que de rester l'obligée d'un rustre mal tourné. À ce moment, elle vit venir un fiacre attardé qui rentrait dans Paris après une course suburbaine. Mais elle ne pouvait pas quitter ainsi un homme qui avait risqué sa vie pour elle, et elle lui dit « Monsieur, je vais rentrer seule. Ce sera mieux, mais j'espère vous revoir demain. Je demeure boulevard Voltaire, 292, Mademoiselle Monistrol. » « Et si vous voulez bien faire ce long voyage ?»« Vous n'en doutez pas, » répliqua vivement le jeune homme, « mais il me semble que votre nom ne m'est pas inconnu. Vous l'avez sans doute lu dans les journaux qui ont parlé de l'assassinat de mon père. Quoi, vous seriez la fille de Jean Monistrol, qu'on a tué sous mes yeux, et que j'ai juré de venger. Oh, je comprends maintenant pourquoi je vous ai trouvé dans cette plaine sinistre. Vous cherchiez le meurtrier, et il vous a échappé, en se débarrassant par un nouveau crime des amis qui vous secondaient. » « Je les remplacerai, et ce misérable ne se défera pas de moi si facilement. Dites un mot, mademoiselle, et j'entre en campagne dès demain. Je retrouverai cette maison, si vous voulez bien me la décrire. J'y pénétrerai, et... Elle est bâtie en briques rouges, mais arrêtez, cocher. »« Voilà, bourgeois, » répondit le cocher en retenant son cheval. « Dans quel quartier que vous allez ?»« Place du Trône. Ça me va. Je remis avenue Parmentier. Montez. »« À demain, monsieur, » dit Camille, avec une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. » Monsieur de Ménestro serra la main qu'elle lui tendait, l'aida à monter en voiture et donna au cocher l'adresse qu'il avait parfaitement retenue. Mademoiselle Monistrol avait désormais, en la personne de ce gentleman, un allié plus sérieux que Julien Gémozac, et qui lui plaisait davantage.